Alors on arrive au terme de cette de ce tour de chant. On a fait une petite chanson sur la mort à petit feu de la sécu. Ça s'appelle Remboursement conditionnel. Je suis assuré pour ma santé, remboursé pour les maladies, à condition pouvoir prouver que je fais ce qu'on dit. Je suis assuré pour ma santé, remboursé pour les maladies, à condition pouvoir prouver que je fais ce qu'on dit. Adieu sécurité sociale, adieu à tes soins remboursables. Tu ne me faisais pas la morale. J'étais malade, mais pas coupable. Je cotisais, tu remboursais, ça me rassurait. Je suis assuré pour ma santé, remboursé pour les maladies, à condition pouvoir prouver que je mange ce qu'on dit. Je suis assuré pour ma santé, remboursé pour les maladies, à condition de pouvoir prouver que je bois ce qu'on me dit. Et moi je bois que du whisky, désormais c'est pas réjouissant. Tous les matins je pique mon doigt, un boîtier analyse mon sang, télétransmet les résultats. Si c'est pas bon, cotisation fera un bon. Je suis assuré pour ma santé, je suis assuré mais à prix d'or, à condition pouvoir prouver que je fais du sport. Je suis assuré pour ma santé, remboursé pour c'est pas énorme, à condition pouvoir prouver que je soigne ma forme. Tous les midis, je fais de la gym, complémentaire à mon régime. On mesure les battements de mon cœur, on les transmet aux assureurs. Si c'est pas bon, ils me taxeront, j'ai plus un rond. Je suis assuré pour ma santé, je suis assuré pour le diabète, à condition pouvoir prouver que je fais la diète. Je suis assuré pour ma santé, je suis assuré pour le cancer, à condition pouvoir prouver que je sais y faire. On me diagnostique une leucémie, je dois prouver que j'ai pas dormi. Sous le nuage de Tchernobyl, trouver les preuves, c'est pas facile. Bonus malus, je n'en peux plus, c'est l'infarctus. Je suis assuré pour ma santé, remboursé pour l'état grippal, à condition de pouvoir prouver que je suis normal. Je suis assuré pour tous les cas, je suis remboursé pour les caries, si je peux prouver que je ne mange pas des sucreries. Je suis assuré pour